10 minutes chrono. 10 minutes. Salut, c'est Rhône. Et Sauron. Eh oui, voilà, et Sauron, et on ouvre un tout c'était nouveau... C'était très mal dit. Non, c'était chouette, j'adorais. On ouvre un tout nouveau format, alors faut pas qu'on perde de temps, parce que ça s'appelle donc 10 minutes, hein, et on a effectivement 10 minutes pour parler juste d'un seul sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va discuter des petits remous qu'il y a eu suite à une longue interview donnée par Phil Spencer concernant son opinion sur les jeux narratifs. T'en as retenu quoi, toi, Sauron? J'en ai retenu pas grand-chose. Ah bah d'accord. Si, j'en ai retenu, j'ai lu quelques lignes et j'ai vu les jeux solo narratifs tels que Zelda et Horizon Zero Dawn sur Xbox One, il faut oublier tout de suite. Ah, c'est ça que t'as retenu? Ouais, et ça m'a fait bondir de ma chaise. Ah bah évidemment, si c'est ça que t'as retenu, là, je comprends, si t'as pas vu la suite. En même temps, j'ai une excuse, je te l'ai dit avant que j'avais pas lu. Ah bah bravo. Alors donc, en fait, toi t'es le naïf, hein, t'as lu que le petit bout qui a été retenu, qui fait phrase choc en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Le titre Bankable. Ouais, et parce que quand même, dans le même temps, dans la même très longue interview, il cite plusieurs jeux de type narratif qu'il trouve vachement bien. Mmh. Et surtout, il nous explique que ça veut pas du tout dire qu'il faut oublier. Au contraire, qu'il veut sortir de tous les styles. Il l'a même très clairement dit sur Twitter en répondant à... Bah, peut-être à des gens comme toi qui ont juste lu un petit bout et qui ont dit « Ouais, filou, c'est quoi ces conneries Vas-y, tu veux plus nous faire du jeu narratif ?» Après, j'ai vu qu'il avait aussi parlé quand même beaucoup du multi, enfin, qu'il avait dit qu'il misait quand même dans l'interview, de ce que je me rappelle, il misait quand même aussi beaucoup sur le multi et ses façons de là de jouer, et qu'il disait que les jeux comme ça solo, c'était quoi ces termes, il n'était pas sûr que ça attirait ouais, autant de monde ou que ça pouvait c'est l'impact, ouais. Durer plus dans le temps, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur l'impact. Ouais. Mais c'est là où c'est vicelard, parce qu'on a ressorti ce petit bout. Où effectivement, ouais. Il dit que des jeux, même un jeu comme Zelda ou comme Horizon Dawn, dans le temps, ça fait pas un gros impact. Alors pour Zelda, il a probablement tort. Pour Horizon Dawn, je crois qu'il a plutôt raison. Mais je crois que ce qu'il regarde surtout, c'est que quand on regarde aujourd'hui sur n'importe quelle console, les jeux qui restent les plus joués dans le temps, bah il a raison, quoi. Il a raison. Alors sur One, oui. Sur PS4, alors oui, je pense au niveau des multiplateformes. Je pense qu'il a raison, effectivement, mais quand tu regardes tous les plus gros blockbusters et les plus grosses attentes des joueurs en général, et les plus gros succès des consoles, des exclus et tout ça, souvent c'est des exclus solo, quoi. Ouais, bah moi je crois pas, moi. C'est celle qu'on met dans les pubs, hein. Mais ce qui est en haut des charts, c'est FIFA, c'est Call of Duty. Hein. Ouais, mais je pense que les jeux solo ont quand même leur énorme place et qu'il en faut, en plus chez Microsoft, ce qui s'en manque, et c'est ce que Sony dégaine là dans l'année qui arrive, et a commencé déjà à dégainer là en mars. Il y en a eu 5 gros jeux solo, et il y en a encore qui arrivent avec bah, je pense à comment ça s'appelle, Détroit. Il y a Days Gone, il y a God of War, il y a tous ces trucs là, il y a le Spider-Man aussi. Spider-Man, ouais, putain. Je dis ce que je veux, on a que 10 minutes, tais-toi. Je pense que ça, tu vois, c'est quand même des gros jeux qui sont attendus et qui font sensation quand ils sont montrés. Et qui manque sur la console de Microsoft. Alors ouais, qui manque. Sachant qu'en plus, moi je suis un joueur solo, tu vois. Moi, je suis plus un joueur solo et c'est pour ça que ça me parle encore plus et que ça me manque encore plus. C'est parce que t'as pas d'amis, en fait. Ouais. Si, mais... non, mais c'est une bonne réflexion. Parce qu'au final, je peux te dire, effectivement, les jeux multi, quand ils jouent seuls sans tes amis, effectivement, c'est vite chiant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que la Xbox, c'est plus une console multi. Hein. De toute façon, avec le Xbox Live, etc., ça a toujours plus ou moins été comme ça. Mais j'ai souvenir que la 360 c'était quand même vachement impliqué dans le jeu solo. Alors ouais, mais après attention, hein, parce que qui foutrait, quoi. Ce que tu dis là, ton inquiétude donc a été largement relayée. À vrai dire, moi je la trouve légitime. Hein, j'aime beaucoup avoir aussi des jeux solo. Hein, donc c'est pas du tout. Je suis même pas partisan dans cette histoire, tiens. Mais l'extrait qu'on a pris. Partisan, comment ça se passe? L'extrait qu'on a pris sur l'interview faisait plus une échelle de valeur sur 5 l'impact minutes. des jeux et notamment l'impact dans le temps. Mais encore une fois, Phil Ouais. Spencer, il n'a pas dit on fera pas de jeu solo. Hein. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Et Bah même il a dit beaucoup de ouais, choses qui mais étaient hyper intéressantes sur la structure des jeux solo, sur la façon dont il faudrait que ça évolue, parce qu'on est sur des mécanismes qui restent les mêmes depuis la nuit des temps. Et bah, c'est vrai. C'est qu'on peut quand même pas Ouais, il le. a parlé des open world, etc. Non, j'ai Ouais, si j'ai pas de mais pas bêtises. seulement, hein, même Je en sais prenant plus. des exemples sur des jeux solo qui fonctionnent encore aujourd'hui avec des QTE. Alors moi je veux bien, mais les QTE c'était Dragon Slayer, hein, c'était en 1980 quoi. Ouais. On peut pas dire vraiment que ça a évolué. Alors après attention, hein, c'est du discours aussi de peut-être de marketeux, parce que quand tu lis l'interview en entier, Spencer ce que t'en ressors, c'est ouais, en fait, les jeux multi, c'est ce qui, dans le temps, fonctionne le mieux, donc faut appuyer là-dessus. Mais en même temps, il faut aussi des jeux solo et narratifs, et faut appuyer là-dessus. Alors le mec, il te vend que, en fait, il va tout avoir dans tous les sens. Et Ouais, c'est ça, pour l'instant, pour l'instant, on peut pas dire il que est ce un soit le cas, peu, il est un quoi. peu, il est un peu ricra, quoi. Non, non, il est clairement juste, hein, c'est clair. Après, là, sur cette question, moi, je me suis plus posé une question. Est-ce que notre ami Filou, il n'est pas un peu en train de trop parler? Parce que du coup, il se piège tout seul, ce couillon. Bah ouais, il se place un peu partout, il balance des trucs, il en dit un peu trop ou pas assez, et il va sur un peu tous les terrains, mais au final on attend, on attend, on attend, et puis on espère, ça fait monter la hype au final, Moi, ça fait parler aussi, et puis bah. Je trouve surtout qu'il en dit trop, quoi. Quand tu vois la longueur de l'interview et tout ce qu'il met dedans, Ouais. franchement, Est-ce c'était. que dans toi qui as lu tout, tout, tout, du coup, est-ce qu'il y a du concret dedans au final? Ah ben Ou non, est-ce que il donne aucun titre. c'est tout le temps, ouais, bien, bah oui, ça je me doute bien, mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est encore les mêmes choses qui rabâchent depuis un certain temps, tu sais, au-delà des titres solo, est-ce qu'il va dire encore que avec la Scorpio, il y aura d'autres choses, tu vois, enfin. Non, non, même pas spécialement. C'est là Voilà. où c'est piégeux, c'est qu'il a pas fait, c'est pas, ça sort pas d'une interview qui était spécifiquement dédiée à la gloire de la Scorpio et ce qu'elle allait apporter. C'était plus une interview sur la vision du jeu vidéo, Du jeu vidéo, ouais, chez Microsoft. Ouais. mais pas que chez Microsoft, parce que c'est peut-être un peu un cas à part avec notre petit filou, c'est que lui c'est un gamer, c'est même assez étrange. Il est Ouais. très à l'aise pour parler des jeux qui sont sur les autres plateformes. Ça lui pose aucun problème de dire qu'il trouve ça bien quand il trouve ça bien. C'est normal, il peut pas parler des jeux qu'il y a sur sa console, il y en a pas. Bah alors voilà. Alors putain, Michel, Mais ça. Alors, depuis que il je le m'occupe, fallait, oh, il le fallait. ouais, je dois dire Deux que tiens, minutes. on aurait peut-être dû se garder ça pour une autre fois, parce que depuis que je fais la rubrique, ça vient de sortir. J'avais jamais percuté à quel point il y a autant de jeux qui sortent sans arrêt, quoi. On sous-estime finalement. Heureusement, parce que on n'a pas le temps de jouer à tout, donc ça tombe plutôt bien qu'on fasse pas gaffe à tout ce qui sort. Mais bon, dans l'ensemble, moi je suis obligé de dire que je pense qu'il a surtout dit ça d'un point de vue économique et en regardant bah, le classement, quoi. Les classements des charts, c'est le classement des jeux qui sont joués. Les tournois en e-sport, ouais, c'est sur du jeu Ouais, mais multi, est-ce hein. que c'est représentatif de la qualité, tu vois? Ah, Est-ce la que c'est représentatif qualité. de la qualité des jeux et des empreintes que ça laisse, tu vois ce que je veux dire? Moi, je Non, suis à parce peu près que tous sûr que nos jeux non. là, nos meilleurs souvenirs de joueurs, bah moi non plus, tu vois. Moi, mes meilleurs souvenirs de joueurs, alors oui, j'en ai sur des jeux multi, mais je pense que les histoires, ce qu'on te raconte, les émotions que les jeux solo te font vivre, je pense à des jeux comme Alan 8 Wake, par minutes. exemple, à l'époque, ou mes jeux même sur Xbox One, ensuite dernièrement sur les autres consoles, je pensais à Last of Us, tu vois. C'est enfin le multi, ça te fait pas vivre ça, Bah, tu vois ce que je veux dire? je suis pas si sûr, je me demande si on regarde ça par la bonne fenêtre, hein. Halo, il est ce qu'il est. Halo, pour moi, il est ce qu'il est grâce à son solo. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis Les plutôt bases, elles d'accord ont avec été posées toi, par le solo, sur l'histoire, etc. Ça Halo. contexte, ça. Moi, je suis pas sûr que Phil Spencer, là, il s'adresse 30 forcément secondes. à nous, des spécialistes. On fait souvent cette erreur, hein. Ouais, c'est clair. Parce que les chiffres, finalement, lui donnent raison. Si ce qui faisait le plus vibrer, c'était les jeux solo, bah, ce serait ceux-là qui resteraient dans les chartres des semaines et des semaines. Et c'est pas le cas, quoi. Bah ouais, mais est-ce que du coup nous on paye pas pour tous les, parce qu'il faut le dire, 10, 9, faut avouer un truc, c'est 8, que les jeux qui sont dans les 7, charts, bah c'est les jeux 6, casual pour les 5, mecs qui 4, achètent que ces jeux-là à 3, l'année quoi. 2, Ouais. 1, 0.